Bienvenue, vous écoutez Galaxy, c'est le matin, tout va bien. Quand je dis que tutti va bene, tutti va bene. Après le top, évidemment, vous nous appelez pour la bûche vendredi, samedi, le bli samedi, l'escape samedi, l'âge de zoo vendredi, samedi, le pulse samedi, Technic Factory vendredi, le zoo samedi, dimanche, et le world music, ce sera pour mardi. Votre destination, l'espace infini. Type de rencontre des astéroïdes. Entre la Terre et la Lune commence l'aventure. La plus grande attraction de la galaxie. We'll be right back. messieurs, veuillez attacher vos chaînes Hi-Fi et vos postes radio afin de ne pas détériorer vos boomers par des fréquences basses trop élevées. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos chaînes Hi-Fi et vos postes radio afin de ne pas détériorer vos boomers par des fréquences basses trop élevées. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci. super, c'est super cool. Oh oui, Galaxy, encore plus. plein de choses, évidemment, en perspective avec l'exposition Les déserts qui racontent la Terre jusqu'au 2 mars 2008 au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Un voyage aux confins des terres arides, qu'elles soient de sable, de roche ou de glace, pour tout public à voir à partir de 7 ans. Et pour toute information, 03 20 19 36 36 ou forumdépartementaldesciences.fr. Dans les médias, vous allez partir du côté du standard pour gagner l'entrée de votre choix. 03 20 83 57 deux fois. C'est parti. Galaxy. Don't stop music. Maintenant, jouons au 20 83 57 57. Au 20 83 57 57. Et vous foutez le bordel après le bip sonore. Ce vaisseau intergalactique, tic-tic, je nommé Galaxy, Galaxy, qui n'est pas une radio de blaireau. En tout cas, après le temporaire, beau cadeau, puisque tu auras l'occasion de nous appeler, de jouer et de gagner. On t'offre ta télécommande pour ton jeu préféré, avec une superbe pochette, offerte par Cédric et nos partenaires Madrix. Ah, moi je dis, ah, c'est comme ça, quoi, c'est grand bonheur, merci à toi. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Si, si, buongiorno, pato. Nos amis intergalactiques, en tout cas, vous êtes là où la 20e appel. C'est simple, vous nous appelez 03 20 83 57 deux fois le standard de Galaxy, vous le connaissez sur le bout des doigts. Vous nous appelez, vous jouez, c'est gagné. Un homme d'honneur et une créature de légende. Winnie. C'est le plus grand tueur de dragons du monde. De mes yeux, je l'ai vu mettre en bouillie pas loin de deux dragons. Ça faisait longtemps que j'espérais un beau combat. J'ai juré de faire disparaître tous les dragons. Et lorsque les forces du mal se déchaînèrent, ils comprirent qu'il n'y a pas d'honneur sans risque. danser, ça fait... bonnes choses en perspective pour ces fêtes de fin d'année. Puis des expos également à voir avec les déserts qui racontent la Terre jusqu'au 2 mars au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Un voyage aux confins des terres arides pour tout renseignement 03 20 19 36 36. Et également l'exposition Passage du temps à découvrir jusqu'au 1er janvier au Tripostal de Lille. Évidemment, après le succès de Bon Baiser, venez rencontrer le travail de 39 artistes. Pour tout renseignement, lille3000.com ou 03 59 57 94 00. De bonnes soirées en perspective. Si vous désirez sortir en discothèque, c'est simple. La Bûche vendredi, samedi. Le Bliss samedi. L'Escape samedi. L'Âge de Zoo, ce sera pour vendredi et samedi. Le Pulse Factory pour samedi. Le Technic Factory vendredi. Le Zoo Club samedi, dimanche. Le World également, allez faire un petit tour du côté des discothèques, c'est gratos, 03 20 83 57 deux fois, bonne chance. Galaxy 95.3. Galaxy. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est Willy alors sur Galaxy. Willy, Willy, Willy. Happy New Year on Galaxy. Moi je le dis, le bonheur. Bonheur. Dans quelques instants, dans quelques secondes, Stéphane Laroche, puisqu'il est 10h à la bonne heure.